24h sur 24, 7 jours sur 7. Fréquence 89.4 FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci, amis auditeurs, de vous installer confortablement pour suivre cette première tranche de la réception des invités réalisée par Edouard Yahoo, que je salue chaleureusement. Vous avez au micro votre frère et serviteur Joseph Ikio Nyawa. Nous commencerons volontiers par la Mutuelle Générale d'Assurance de Santé et de Prévoyance Sociale. En acronyme, ça donne MGASPS. C'est la présentation de la structure que vient nous faire notre bien-aimé Dominique Pena, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour à vous, monsieur Pena Dominique. Bonjour monsieur, bonjour chers auditeurs. Alors, je suis le responsable commercial de la Mutuelle Générale de la Santé et de la Prévoyance Sociale, MGA-SPS. Alors, il faut dire que MGA-SPS est une mutuelle de santé qui existe depuis maintenant un an. Depuis l'année dernière, nous sommes déjà sur le terrain. Alors, il faut dire d'abord que nous sommes une personne morale des droits privés soumise au règlement numéro 7-2009 de l'UEMOA portant réglementation de la mutualité sociale au sein des pays de l'UEMOA. Et nous sommes situés à Cocody-Angré, entre Pétro-Ivoire et le terminus de bus 81-82, à l'immeuble qu'on appelle immeuble Kader, numéro 1, au troisième étage, porte 4. Alors, il faut retenir que MGA a pour objet de garantir les frais de traitement nécessités par accident, une maladie, une grossesse, un achat de verres optiques et des médicaments de ses membres. Donc, c'est ça d'abord notre objet. Alors, aujourd'hui, nous avons vraiment des tarifs très étudiés qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Alors, il faut dire que la MGA est une structure d'abord qui est ouverte. Tout le monde s'adhère. On a constaté que aujourd'hui, quand tu n'es pas un salarié, quand tu n'es pas un fonctionnaire de l'État, il t'est vraiment difficile d'avoir accès à tes soins lorsque tu tombes malade. Alors, les mutuelles ont réfléchi comme ça pour dire que mais c'est tout le monde qui tombe malade, puisque la maladie n'a pas de cible, la maladie n'a pas de localisation. Alors, pourquoi ne pas vraiment avoir une structure qui est ouverte à toutes les franges de la population pour que chacun puisse vraiment accéder à ses soins lorsqu'il tombe malade? Et aujourd'hui, c'est notre politique, c'est notre vision. Alors, franchement, nos tarifs sont vraiment étudiés à la portée de tous. Aujourd'hui, tu es cordonnier, tu es commerçant, tu es boutiquier, tu es gérant de cabine. Avec MGA, tu peux avoir ton assurance maladie et avoir tes soins, tes prestations lorsque tu tombes malade. D'accord. Quels sont vos numéros de téléphone, Dominique Pena? Alors, nous sommes au 08 45 67 83 08 45 67 83 04 79 88 08 04 79 88 08. Merci beaucoup Dominique Pena d'être passé ici présenter donc la MGASPS qui est la Mutuelle Générale d'Assurance Santé et de Prévoyance Sociale. C'est nous qui je pense que le message est très bien passé. Merci, excellente monsieur. Journée à vous. Merci bien monsieur. Nous continuons et nous sommes maintenant avec le pasteur Paul Nda. Lui, il nous vient de l'église évangélique des Rachetés de Dieu, ERAD. C'est prononcé un culte spécial d'action de grâce qui va se tenir le dimanche prochain, je pense, au temple des Rachetés, au commandant Sanon. C'est aux deux plateaux à Dien. Alors, bonjour à vous, pasteur. Oui, bonjour, chers frères. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis là ce matin pour dire que le royaume de Dieu bouge merveilleusement côté ERAD, église évangélique des Rachetés de Dieu. Et à cet effet, nous organisons un culte spécial d'action de grâce. Voyez-vous, durant toute l'année 2019, et nous avons déjà abordé l'année 2020, nous avons constaté que Dieu a été de façon spéciale avec nous. Nous avons constaté, quand nous avons fait le dénombrement, il y a eu plutôt croissance numérique et spirituelle, il n'y a aucun de nos membres qui nous a fait défaut. Le diable nous a combattus, mais il n'a pu prendre personne. Et nous pensons, à juste titre, qu'il faut nous arrêter pour dire merci, infiniment merci à Dieu pour ce qu'il a fait. D'où la tenue de ce culte spécial d'action de grâce. C'est pour dimanche prochain, 2 février 2020. Sous la houlette de la prophétesse Cissé Philomène, fondatrice de l'église évangélique des Rachetés de Dieu. Très bien. D'accord, on va indiquer le lieu avant de donner le numéro de téléphone. Alors, l'église évangélique des Rachetés de Dieu, nous sommes situés au quartier commandant Sanon. Un peu plus en bas, quand vous partez au Docui par le zoo, juste au niveau de Hachma, vous descendez le quartier qui est sur votre droite, il y a une voie par là qui monte. Une bretelle qui vous permet d'accéder à ce secteur. Effectivement. D'accord. Et quand vous êtes sur le boulevard Latry, vous rentrez par Opéra. D'accord. Et nous sommes complètement Opéra en bas. Alors, lieu. Je voudrais vous annoncer brièvement le programme. À 7h30 déjà, nous sommes sur pied. Il y a l'armée des Rachetés. Nous allons avoir une procession dans le quartier. C'est une pré-évangélisation. C'est pour signaler notre présence. Ça fait quand même un bon moment que nous sommes là. Et voyez-vous, ce quartier-là, l'évangélisation porte à porte est difficile. Alors nous avons trouvé un moyen de nous présenter aux populations de cette cité. Et donc, la première phase, c'est la procession. La deuxième phase, c'est le culte au cours duquel nous allons dire merci à Dieu de différentes manières. Et puis, la troisième partie, nous aurons un déjeuner pour tout clore. D'accord. Alors, nous sommes joignables au 07 30 51 97 et au 02 10 77 02. On les prend 02. 02 10 77 02. Merci beaucoup, pasteur Paul Lunda. Et puis, transmettez vos salutations au docteur Eka Amos. Oh, c'est moi qui vous dis merci. Et passez une excellente journée surtout. On est à dimanche. Merci. Alors, continuons toujours et c'est maintenant la mission Ephrata et Francophonie pour Christ qui organise l'école des prophètes Bill Amon 3e édition. Sur ce plateau, le pasteur Jean de Dieu Kofi est installé pour nous en dire un peu plus. Bonjour à vous. Oui, bonjour Doyen Jo. Bonjour également à nos fidèles auditeurs qui sont scotchés à la radio de la vie. Alors, Bill Amon, pour ceux qui ne savent pas, l'école des prophètes est une délocalisation de l'école internationale des prophètes du ministère Christian International qui est basé à Santa Rosa en Californie, dirigé par le docteur prophète major Bill Amon. Alors, depuis 50 ans maintenant, le Seigneur a demandé à son serviteur d'élever une compagnie de prophètes et d'apôtres pour la fin des temps. Et jusqu'à présent, il y a eu, je peux dire, plus de 30 000 prophètes qui ont été élevés à travers le monde entier. Donc, d'accord, nous avons l'apôtre Zacharie Adetola, voilà, qui a lui-même bénéficié de cette formation il y a 15 ans. Voilà, il a dit qu'il s'est inscrit à cette formation à raison de 3 millions de francs CFA. Et il a pu bénéficier, il est en collaboration, en partenariat avec Christian International et il a trouvé bon de délocaliser cette école. Chaque année, nous faisons vraiment une section très courte et très dynamique pour que les Ivoiriens et tous les chrétiens et serviteurs de la sous-région puissent en bénéficier. Très bien. Alors, ça a été délocalisé cette fois-ci, c'est à la mission Ephrata. À la mission Ephrata. À Abidjan, précisément à la Riviera Faya. Bien sûr. Quelle autre consigne y a-t-il? Sinon, inviter quelqu'un et donner le numéro de téléphone. Alors, le thème, c'est activer les dons du ministère pour cette édition. Et nous recevons encore le prophète Jimmy Kellett et le prophète Victor Hill, qui étaient là l'année dernière, tous deux. Donc, nous les recevons cette année encore. Alors, pourquoi activer les dons du ministère? Je vais donner trois petites raisons. L'apôtre Paul nous dit, il faut le faire parce que autrefois, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous nous laissions entraîner vers les idoles muettes pour trouver solution à nos préoccupations. Alors, c'est important d'activer les dons du ministère. Il dit également à Timothée, ranime les dons que tu as reçus de moi par l'imposition des mains dans l'assemblée des apôtres. C'est très important de ranimer parce que les dons peuvent être en veilleuse. Et il a dit de rechercher tous les dons spirituels, principalement celui de prophétie. Très bien. Alors, quels sont vos contacts, pasteur Jean de Dieu Kofi? Alors, appelez dès maintenant le 85 33 99 88, 85 33 99 88. Sinon, je voudrais dire à tous que l'école a démarré effectivement ce matin et rendez-vous au secrétariat de la mission Ephrata. D'accord. 85 33 99 88, l'unique numéro de téléphone qu'il faut appeler pour avoir de plus amples informations relatives à cette école des prophètes qui tient sa troisième édition ici en Abidjan, Bill Amon, troisième édition. Très bonne journée à vous, pasteur Jean de Dieu Kofi. Merci. Et puis, on est après. Shalom. Voilà, avec l'église baptiste Philadelphie de Cocody Angré, nous parlerons de culte de guérison que vient annoncer sur ce plateau le pasteur Domoro Pascal Amédée. C'est pour le samedi prochain, 1er février 2020. Veux-tu être guéri? Tiré de l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9, fera l'objet du thème. Alors, pasteur Domoro Pascal, bonjour à vous. Bonjour mon frère. Vous êtes ici pour inviter quelqu'un le samedi prochain, 1er février 2020. Ouais, nous sommes là pour inviter tout un chacun, tout le corps de Christ et tous ceux qui veulent vraiment expérimenter la puissance de notre Dieu. La Bible dit que le Seigneur, même hier, aujourd'hui, éternellement, n'a pas changé. Nous sommes là pour pouvoir inviter ce peuple-là à venir à ce que des guérisons ayant pour thème « Veux-tu être guéri ?» tiré de Jean 5, verset 1 à 9. Nous voyons qu'à cette piscine de Bethesda, il y avait ce malade depuis 38 ans et à qui Jésus a demandé « Veux-tu être guéri ?» Mais il n'a pas répondu à la question. Il a seulement regardé la façon façon d'obtenir la guérison. Or, Jésus était là pour lui faire du bien. Le Seigneur est encore là pour nous faire du bien. Donc, le Seigneur appelle tout un chacun qui veut vraiment expérimenter la guérison divine. Cette guérison qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Et nous organisons ce culte-là le samedi 1er février 2020 à partir des 10h. Ali Baptiste Ladé de Cocody Ancré, qui est sur le boulevard Latrie. Nous sommes tout jusqu'au là, station Pétro-Ivoire à Ancré. Et lorsque vous voyez à la station, vous allez voir ce temple-là qui est là. Et l'orateur pour ce programme-là, c'est notre pasteur principal, en l'occurrence le pasteur Kwame Gyatto. Mm-hmm. Et pour nous, ces programmes-là sont des temps d'évangélisation. C'est des temps où nous venons pour expérimenter la restauration, expérimenter la puissance de Dieu. Nous invitons tout un chacun qui a besoin de guérison. La guérison, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, elle peut être encore dans tous les compartiments de la vie. Et sur ça, nous invitons tout un chacun à venir expérimenter la puissance de Dieu ce jour-là. Et je reviens sur la date, c'est ce samedi-là, 1er février, à partir des 10h. Et le lieu, c'est l'église baptiste de la Cocody Ancré, sous le boulevard Latré, jouxtant la station Pétro-Ivoire. Mm-hmm. D'accord, il n'y a rien à payer, c'est tout à fait gratuit et ouvert à tout le monde. Hein. Le pasteur Kwame Gyatto, pasteur principal de cette assemblée, sera l'orateur. Et à cet effet, on va laisser deux numéros de téléphone, pasteur, avant oui, de les contacts qu'on pourra laisser pour ce programme, c'est le 05 35 13 78, 05 35 13 78 et le 07 52 01 26, 07 52 01 26. Nous invitons tout un chacun, tous ceux-là même qui veulent expérimenter la puissance de Dieu, de venir à ce culte-là. Parce que Jésus n'a encore pas vous activé sous le soleil, Jésus guérit encore. Venons pour expérimenter la puissance de notre Dieu. D'accord. Il faut venir expérimenter la puissance de notre Dieu car Jésus-Christ guérit encore et encore. C'était l'intervention du pasteur Domoro Pascal Amé de l'église baptiste Philadelphie Cocody Ancré apportant sur la tenue de ce culte de guérison samedi prochain 1er février. Au revoir. Au revoir, merci. Le ministère de délivrance pour les nations organise une soirée d'impact prophétique et le prophète Ézéchiel Zoé vient nous préciser la tenue de ce grand programme-là. Ce sera le dimanche 2 février prochain à la Riviera 9 kilos. Prenez garde à vous-même et le thème qui sera traité par le prophète Emmanuel Eli et l'évangéliste Jean-Yves. Prophète Ézéchiel Zoé, bonjour à vous. Bonjour Papa Ukio. Effectivement, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio de la vie. Nous sommes là ce matin au nom du ministère délivrance pour les nations qui est dirigé par le prophète Emmanuel Eli. Ce dimanche 2 février, à partir de 13h, nous organisons une grande soirée d'impact prophétique dénommée Année des moissons. Et c'est une soirée où nous permettons, nous donnons toute la place à l'Esprit de Dieu de pouvoir travailler dans la vie de son peuple que nous sommes. Et le thème qui sera traité par l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Eli, c'est prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Nous donnons ce thème parce que nous savons que cette année a été décrétée de façon nationale par les pères de la nation, que cette année est une année de moisson. Et quand on parle de moisson, on parle de récolte. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent beaucoup de résultats de la part du Seigneur. Donc nous voulons leur permettre de recevoir les clés, de recevoir les prédispositions au travers de la parole de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu est prêt à bénir un enfant de Dieu, il y a toujours le diable qui est prêt à le distraire pour l'empêcher d'entrer dans sa bénédiction. Donc ce dimanche 2 février, nous invitons le corps du Christ, nous invitons tous nos frères et soeurs en Christ à effectuer le déplacement pour qu'ensemble nous puissions écouter un message fort que Dieu a donné à son serviteur, le prophète Emmanuel Eli, afin de comprendre les mystères de la récompense qui vient de Dieu. Comment se préparer à recevoir une bénédiction? Nous voulons rapidement donner la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 vierges qui étaient folles et il y avait 5 vierges qui étaient sages. Elles étaient tous vierges, mais la qualité de la préparation de ces vieilles sages leur a permis de recevoir le maître. Dans ce même esprit, nous voulons préparer le cœur du peuple de Dieu à recevoir ce que Dieu leur a promis. D'accord, et nous voulons ajouter pour inviter tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent d'une situation quelconque, tous ceux qui sont oppressés par les esprits impurs. C'est un temps de délivrance, ça sera un temps de restauration, ça sera un temps de prophétie, d'orientation. Et l'homme de Dieu sera là avec l'évangéliste Jean-Yves Comment, un homme de Dieu avec qui Dieu fait aussi des merveilles. Alors, sur ce, on va rappeler le lieu et puis donner deux numéros de téléphone, homme de Dieu. Avant de rappeler le lieu, nous voulons rapidement ajouter que nous avons la participation des chants de Guy Chris Israël avec la chante Mi, deux chants exceptionnels pour nous conduire dans une atmosphère de louange et d'adoration, pour permettre au ciel de s'ouvrir pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Nous rappelons rapidement le lieu, c'est Riviera ancien barrage après le 9 kilos. Rivière ancien barrage après le 9 kilos à 100 mètres sur votre droite à l'espace succès Long Garden. Rivière ancien barrage après 9 kilos, 100 mètres sur votre droite à l'espace succès Long Garden. Les contacts sont le 08 21 28 32. 08 21 28 32. Le 01 21 45 94. 01 21 45 94. Dimanche 2 février de 13h à 18h. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, prophète Ézéchiel Zoé, que nous venons de recevoir pour annoncer la tenue de cette soirée d'impact prophétique ici en Abidjan précisément. Allez, très bonne journée à vous. Puis transmettez nos salutations à toute la maisonnée. Merci bien, papa.